responsable dont vous parlez, oui. c'est un être qui dégage un rayonnement d'amour, qui fait voir à un individu des choses qu'il ne voyait pas avant. Et les êtres qui rencontrent une personne, comme vous parlez, qui a la responsabilité de sa parole, qui a l'intelligence, qui a une conscience, qui goûte à cette science-là, on dirait que les êtres se reconnaissent un esprit, se reconnaissent un contact, se reconnaissent un échange entre eux autres. Comment voulez-vous que ces individus-là aient la contenance de leur rencontre quand c'est pour eux autres, c'est comme quasiment la façon de s'en sortir, de se rencontrer? Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, seulement que je suis obligé de dire en public, dans le public, que quand vous vous rencontrez et que vous parlez, prenez-vous pas au sérieux. Prenez ça à petite dose, parce que ce que vous pensez que vous savez aujourd'hui, dans 4 ans, ça va être d'autres choses. Dans 10 ans, ça va être d'autres choses. Pas dans le sens que ça va être changé, mais dans le sens que ça va être transformé. Oui, mais on ne peut pas empêcher. Non, vous ne pouvez pas empêcher. Évidemment, vous ne pouvez pas empêcher. Mais il faut que des gens, en tout cas moi j'en suis un, il faut que des gens vous le disent. Il faut que les gens instruisent, disent aux gens ou au monde qui font une recherche spirituelle, qui font une démarche spirituelle, qui avancent vers des terres inconnues, de prendre ça aisé, de ne pas prendre ça tout pour du cash tout de suite. Parce que ce qui arrive, c'est que ces sciences-là ouvrent les centres. Une fois que les centres psychiques sont ouverts, l'astral a accès à la conscience humaine. Une fois que l'astral a accès à la conscience humaine et que l'homme n'est pas encore suffisamment dans sa maturité intégrale, l'homme peut se faire jouer des tours, l'homme peut se faire manipuler dans son mental. J'ai vu des gens qui ont fini à grande bâtisse, j'ai vu des gens qui ont fini dans des asiles d'aliénés, j'ai vu des gens qui se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas été capables de supporter cette énergie-là qui était astralisée par les plans évolutifs. C'est pour ça que je dis, elle est merveilleuse, cette science-là. Elle est grande, mais l'homme ne peut pas l'approcher avec la même ambition, la même enthousiasme psychologique de l'ego insécure de l'évolution. Quand vous étiez dans l'évolution, que vous alliez à l'université, ou que vous êtes, même si vous alliez encore aujourd'hui à l'université, que vous alliez dans des études de religion, il n'y en a pas de danger, parce que ces sciences-là, les sciences d'aujourd'hui, font partie de l'évolution. Ce ne sont pas des sciences dangereuses, au contraire, ce sont des sciences nécessaires à l'évolution psychologique de l'ego. Et remarquez bien le point que je veux faire. Dans l'évolution future, les sciences ne seront pas des sciences qui serviront à l'évolution psychologique de l'ego, ce sont des sciences qui serviront à l'évolution psychique de l'être. C'est plus la même affaire. Tu vas à l'université, tu apprends les maths, tu apprends la physique, tu vas dans un couvent, tu apprends la théologie. C'est merveilleux parce que ça fait partie de l'évolution psychologique de l'ego. C'est pour ça que l'éducation, c'est une science merveilleuse. Mais à partir du moment où l'homme passe à un autre plan, à partir du moment où l'homme rentre dans un autre temps, à partir du moment où l'homme commence à être en communication télépathique avec des mondes qu'il ne voit même pas encore, il faut qu'il soit réellement et rigoureusement interpellé à faire attention dans sa nouvelle expérience et à ne pas sortir trop vite de son ancien bassin d'études pour rentrer dans une mer très vaste d'incertitudes temporaires. Ben non, il se vit... Laissez-moi finir, là. Vous allez dire, il y a des gens qui me disent, comment ça se fait que c'est pas, des médecins qui viennent en grand groupe dans ces genres de rencontres-là, ou que ce ne sont pas des psychologues. Ce sont souvent des gens qui s'ennuient, des gens qui n'ont pas d'identité. Je ne veux pas dire que vous êtes de même, là, mais je veux dire, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui n'ont pas d'identité, il y a des gens qui ont vécu des faillites, il y a des gens qui ont vécu des faillites psychologiques. On dirait que les gens qui sont attirés par ces sortes de sciences-là sont, puis je vous le dis encore, ça n'est pas une réflexion sur vous, mais il y a des gens qui ont manqué leur vie et qui viennent vers ces sciences-là. S'ils n'avaient pas manqué leur vie, puis ils avaient 2-3 doctorats, puis ils étaient profs, ou ils avaient une chaire à l'Université de Montréal, ils ne viendraient peut-être pas à ces sciences-là. Puis ça fait justement partie du jeu astral de la vie de créer des blocages dans l'ego pour que justement des gens aillent vers des sciences marginales. Par contre, il y a des gens qui ont fait des études, qui sont des sommités dans leur domaine et qui viennent dans ces sciences-là. Mais le rapport avec cette science-là est toujours différent. Il y a toujours une sorte de maturité, d'objectivité qui réside en eux. Sont moins proches, sont moins prêts, ces gens-là, à tout lâcher ce qu'ils ont appris pour entrer dans quelque chose de neuf. Moi, je connais un médecin qui est une sommité mondiale, un être absolument extraordinaire, qui est totalement, il est réellement sur cette longueur d'onde-là, mais c'est un grand médecin. Je connais des grands avocats, je connais des grands juges. Ces gens-là sont déjà suffisamment balancés dans leur moi, dans leur être, pour pouvoir travailler sur deux plans à la fois. Mais le danger, c'est que souvent, de petites personnes, des gens qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation, vont se servir de ces sciences-là pour compenser leur manque d'éducation. Et ça, c'est dangereux, parce qu'ils vont tellement ouvrir leur sens qu'éventuellement, s'ils ne sont pas avisés de réellement prendre ça aisé, garder leur job, prendre soin de leurs enfants, manger du steak de temps en temps, aller au forum, puis boire de la baie Molson, ils vont flanquer tout en l'air. Parce qu'ils sont tous énervés, ils sont tous excités. Et c'est ça qu'il faut que l'homme sache. Et probablement, je suis la seule personne au monde qui soit à la fois occulte et à la fois matérielle. Autrement dit, l'invisible et la matière sont deux mondes qui, pour moi, doivent être totalement intégrés si l'homme, un jour, veut amener dans le monde une science, une lumière qui puisse toucher la philosophie, la psychologie, la science, la matière, et intégrer l'invisible et le matériel. Sinon, on devient automatiquement ce que les gens appellent très correctement des flyers. Et si l'homme fly, un jour, il va soit capoter ou il va être amené à réellement réajuster son tir. Et ce sont les hommes dans l'avenir qui seront capables de réellement réajuster leur tir et prendre soin de la vie et vivre la vie comme les gens de nos parents, là, tous les gens qui font partie, qui construisent la société, ces gens-là, mais d'une façon beaucoup plus ouverte d'esprit. C'est ça qu'il faut que l'homme comprenne. Il faut que les gens qui font un travail comme le mien dans le monde soient suffisamment conscients, suffisamment déspiritualisés, suffisamment enracinés dans la terre puis la forme pour pouvoir parler comme ça. Sans ça, ils ne le feront pas, et c'est là que des gens naïfs, qui n'ont pas encore l'expérience, qui ont encore du chemin à faire, se font prendre, et éventuellement deviennent piégés dans des sectes, deviennent assujettis à des maîtres, à des gourous ou à des idéologies, et perdent leur identité. C'est dans ce sens-là que je dis que l'homme conscient a une grande responsabilité par rapport à la société. Et plus l'homme va être conscient, plus il va le réaliser. Il y a des choses qui sont sues, à laquelle on a accès, qui peuvent être dites dans un certain temps, dans certains milieux, mais qui doivent aussi être dites toujours en harmonie avec ce qui se passe dans le monde. Vous ne pouvez pas avoir la prétention ou vivre la prétention d'être en contact avec l'invisible et vous retourner de bord et regarder l'Église, regarder la science, regardez les psychiatres, regardez les psychologues, regardez les politiciens, regardez ce que des hommes merveilleux ont fait, puis mettre ça de côté. Si vous faites ça, vous êtes réellement un illuminé, et si vous êtes un illuminé, vous devenez un être dangereux. Si les gens se regroupent dans des sectes, si les gens se regroupent autour de philosophie, c'est pas pour être ensemble dans quelque chose, c'est pas pour rechercher une sorte d'esprit commun. C'est pas pour finalement avoir une même longueur d'onde pour se vivre à l'intérieur d'une reconnaissance mutuelle? Le problème avec les gens qui vivent cette expérience collective, c'est que ils perdent leur identité pour vivre une identité de groupe. Pour se faire aimer en groupe. Pour vivre ensemble, pour vivre une certaine harmonie en groupe. C'est évident qu'ils vivent une certaine harmonie ensemble. Mais si vous regardez dans les années à venir, ou si vous regardez un peu dans le passé, et que vous étudiez les gens qui font partie de ce que vous appelez des consciences de groupe, et que surtout les consciences de groupe qui sont très, très, très hautes en vibration astrale, vous allez voir, au cours du temps, des erreurs qui vont se commettre. Il y aura, quelque part, dans le temps, des erreurs qui se commettront, parce que les gens qui sont à la tête de ces groupes-là, ils ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Mais ils seront quelque part dans le temps astralisés. Ils ne verront pas à travers le jeu astral de leur conscience spiritualisée. C'est ça qui crée des Jim Jones, c'est ça qui crée toutes les choses qu'on lit dans les journaux, C'est ça qui fait que des êtres, aujourd'hui, ne peuvent plus aller ouvertement vers des collectivités parce que il y a toujours dans le temps une erreur, il n'y a pas de consistance. Est-ce qu'on peut réduire la collectivité à des petits groupes de 10 et dire... C'est pas une affaire de nombre, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit. Et s'il y a de l'esprit, il n'y en a pas de collectivité. C'est évident que vous allez avoir des gens qui sont sur la même longueur d'onde qui peuvent faire des choses ensemble, c'est évident. Mais il y a un respect intégral de leur individualité. L'homme ne peut pas vivre seul. Que tu fasses partie de l'évolution, tu vas appartenir au Rose Croix, ou tu vas appartenir au Rotary Club, ou tu vas appartenir au Chevalier de Colomb, ou tu vas appartenir à une église. L'homme ne vit pas seul, qu'il soit inconscient ou qu'il soit conscient. Par contre, l'homme qui est conscient ou qui sera demain conscient, qui vivra une individualisation intégrale et qui fera des choses ou qui vivra des choses avec des hommes qui auront une conscience parallèle, le vivra ou vivra ces choses dans une individualité intégrale. Mais individualité intégrale, veux-tu dire solitude par une étape de sa vie intégrale aussi? Ça ne veut pas dire solitude, ça veut dire que l'homme n'assujettira jamais plus son identité à une identité collective. L'individu qui... Savez-vous qu'est-ce qui fait... Parce qu'il y a tellement de choses, tu sais, il y a tellement... Savez-vous qu'est-ce qui fait que l'homme perd son individualité dans la vie? C'est parce que l'homme croit. Aussitôt que l'homme croit, il perd un petit peu d'individualité. Fait que si vous croyez à quoi que ce soit, vous perdez de l'individualité et vous perdez l'identité et vous créez une identité qui est totalement fictive. Mais si vous vous coupez de toute collectivité, vous ne pouvez plus croire en rien. L'homme conscient ne se coupe pas de la collectivité, il vit intégralement sa conscience. Il peut se créer une collectivité, mais il sera obligé de vivre intégralement sa conscience. Vivre intégralement sa conscience, vous dites, ça exige de ne pas croire. Ah oui, c'est ça que vous dites. Bon, est-ce que l'individu qui vit intégralement sa conscience est capable de fonctionner avec un ensemble de gens et se faire apprécier de cet ensemble de gens, puis apprécier la relation, je dirais, de respect ou même d'amour. Mais oui, mais oui. D'ailleurs, moi, je le vis moi-même. Je travaille avec des gens. Je fonctionne avec des gens. Je travaille dans ma salle avec des gens. Il n'y a pas d'effort là-dedans. Je suis président du conseil d'une corporation québécoise. Je fais des choses dans ma salle avec du monde. Seulement que je vis mon individualité, puis les gens vivent leur individualité. Mais ça le... Sans ça, ça sera encore de la manipulation, ça okay, sera encore mais... du groupe, ça sera encore... Ouais, est-ce que vous êtes obligé de faire des compromis à l'intérieur de ça? Compromis dans quel sens? Ben, l'individu qui, pour garder le respect de son environnement ou de sa collectivité, est obligé de faire des compromis sur sa vie personnelle, sur sa vie privée. Un homme qui fait des compromis sur sa vie personnelle, c'est pas un homme intelligent. Tu peux pas faire de compromis sur ta vie personnelle pour une corporation. Tu peux pas faire de compromis sur ta vie personnelle pour quoi que ce soit, parce que ta vie personnelle, c'est le noyau de ton existence sociale. Mais pour l'appréciation, pour la reconnaissance... L'appréciation, la reconnaissance? La reconnaissance... Si t'es intelligent, t'es créatif, le monde va voir, t'es intelligent, t'es créatif, automatiquement l'appréciation est là. Mais si t'as besoin d'appréciation à ce moment-là, t'as pas d'identité. Mais il y a beaucoup de gens qui exigent que vous démontriez... C'est un problème. Ils ont un problème. Ils ont un problème d'identité. Mais ces individus tu passes ta vie à vouloir être aimé puis vouloir être apprécié. Ben, à ce moment-là, t'es encore tes deux jambes. Mais c'est comme ça que ça marche dans la vie. Ben, mais ça, c'est pas mon problème. Oui. Mais une collectivité qui fonctionne individuellement sans faire aucun compromis, comment est-ce qu'on peut avoir une harmonie à l'intérieur de ça? L'harmonie, elle fait partie de l'individualisation de chacun. Si t'es intelligent dans ta conscience, t'es créatif dans ta conscience, tu peux pas être autrement que harmonique avec les autres. Mais harmonique, là. Je m'entends-tu bien avec vous, moi? Très bien. Bon. Fait que je vous demande pas de m'aimer. Que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, c'est votre problème. Si vous m'aimez trop, moi, vous sacrez là, parce que j'aime pas ça trop aimé, parce que ça devient encore, je suis obligé de supporter quelqu'un. OK. Fait que si vous m'aimez, puis vous m'aimez, puis vous m'appelez chez nous, puis vous me dérangez, parce que Bernard Montréal, je t'aime bien, j'aimerais ça parler avec toi, j'aimerais ça faire des affaires avec toi, j'aimerais ça écrire des livres avec toi, on peut-tu faire des affaires ensemble? Si tu me déranges, moi, te crie, c'est là. Change, j'ai pas fait. Mais... Parce que vous êtes intelligent. Okay. Mais... Si vous n'étiez pas intelligent, vous le feriez. J'aurais pas de relation avec vous. Parce qu'à ce moment-là, vous deviendriez pour moi un poids. qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui veut être aimé est un poids pour l'autre? Quelqu'un qui veut être aimé devient un poids pour l'autre parce que c'est un vampire. Mais pourquoi? Parce qu'il est insécure. C'est son insécurité. Ben évidemment. Donc un être qui a de l'individualité. Il y a combien d'hommes qui marient des femmes et de femmes qui marient des hommes parce qu'ils sont insécures? Ils se marient pas parce qu'ils aiment l'or. Ils se marient parce qu'ils s'aiment à travers l'or. C'est ça que l'homme vit. C'est pour ça que je dis le couple, ça n'existe pas sur la terre. C'est de l'accouplement. Regardez ce qui arrive les jeunes là, quand ça se rencontre, puis le petit gars il laisse la petite fille ou la petite fille laisse le petit gars, puis qu'ils vivent des crises d'amour, puis si tu me laisses, m'en me flamber, tout ça. Là. C'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est de l'insécurité, c'est pas de l'amour, ça. C'est de l'amour astral, mais c'est pas de l'amour mental. Mais cette sécurité, où est-ce qu'on va la chercher? Parce que l'être que vous parlez, l'individu, celui qui vit cette individualité, semble être capable de s'harmoniser avec n'importe quel type de collectivité. Cet amour dont on parle, est-ce que c'est un amour personnel, c'est un amour de soi ou c'est un amour de ce qui se passe dans la vie? Quand vous parlez d'amour, là, tu sais, d'appréciation de soi-même ou de capacité, disons, de quand vivre... je parle d'amour au niveau de la conscience de l'homme, de la conscience créatrice. C'est ça, ouais. L'amour au niveau de la conscience créatrice, ça fait partie du mouvement de l'intelligence. L'amour, sur le plan cosmique, c'est la façon à l'intelligence d'établir des relations harmoniques entre des individus, des sociétés ou des nations. Autrement dit, l'amour sur le plan cosmique, ce n'est pas un sentiment, c'est une loi, c'est une force créatrice. Pas plus que l'intelligence sur le plan cosmique, c'est l'intellect, c'est une force créatrice. Pas plus que la volonté sur le plan cosmique, c'est une attitude de force morale ou mentale, c'est simplement un déclenchement d'énergie dans la matière. Autrement dit, l'amour universel, l'amour cosmique, ça fait partie, c'est directement relié à l'intelligence. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué que l'homme ne saura pas, ne connaîtra pas ce que c'est de l'amour tant qu'il ne sera pas intelligent. Tu ne peux pas aimer cosmiquement si tu n'es pas d'abord intelligent, parce que si tu n'es pas intelligent, ton amour va être astralisé. Automatiquement. Tu vas l'assujettir à des sentiments, tu vas l'assujettir à des émotions, tu vas l'assujettir à des attitudes. Mais quand vous parlez d'intelligent, vous ne parlez pas de stratégie de protection au cas où vous êtes dans l'intelligence, je parle de conscience. La conscience, la lumière. Est-ce qu'un individu intelligent peut être abandonné, peut être laissé pour compte? Si un individu intelligent peut être laissé pour compte, c'est absolument impossible. Mais comment? Parce qu'il rayonne. Comment est-ce que vous voulez que je passe dans le monde inaperçu? C'est impossible. Ouais, c'est vrai que ça vibre trop, ça vibre trop, ça vibre trop. Je peux pas être en affaire pour rester inaperçu, je peux pas être dansé pour passer inaperçu. Tu peux pas passer inaperçu quand tu es créatif. Tu es là. Et la raison que tu peux pas passer inaperçu quand tu es conscient, c'est parce que tu regardes tout le monde. Si tu regardes tout le monde va te regarder. C'est quand tu regardes pas le monde que là, tu passes inaperçu. Mais quand tu regardes tout le monde, puis tu regardes le témoin de Jéhovah, tu es capable de l'apprécier, puis tu regardes l'arabe, tu es capable de l'apprécier, puis tu regardes le Mohawk, tu es capable de l'apprécier, puis tu regardes le catholique, tu es capable de l'apprécier, tu regardes le IRA, le terroriste, tu es capable de l'apprécier. Dans les limites astrales de l'expérience de l'âme, à ce moment-là, tu n'as plus de problème avec eux autres? Quand tu es capable de voir le petit gars sur une Sainte-Catherine qui n'a plus de cheveux, puis qui se promène avec des chaînes, puis que tu es capable de l'apprécier. Autrement dit, chaque homme, chaque être humain a une dimension humaine à l'intérieur ou derrière toute la mascarade de sa conscience involutive. C'est évident que si t'es né dans une peuplade ou si t'es né dans un pays pauvre ou si t'es né dans une famille toute croche, tu vas être croche pendant quelques années, mais ça veut pas dire que t'as pas d'esprit quelque part qui est caché derrière toute l'expérience de l'âme puis la souffrance de la mémoire subjective. Si t'es capable de, comme je dis souvent, occupez-vous donc de la créativité de l'autre. Occupez-vous donc de ce qui est intelligent dans l'autre. Occupez-vous donc des qualités de l'autre. Laissez-les faire les défauts. Tout le monde a des défauts avec le temps. Mais si tu commences à t'occuper puis à voir l'autre puis dire, bon ben, tout, c'est bien ce que tu fais. C'est intelligent ce que tu fais. C'est créatif ce que tu fais. Mais l'autre, il va commencer à se dégager de son insécurité. Puis un jour, il va rentrer dans la plénitude de sa conscience créatrice. Mais c'est pas ça qui se passe. On regarde l'autre, un nouvel employé qui rentre au bureau, une nouvelle fille qui rentre au bureau, toi t'es croche, tes pattes croches, elle a les pattes drouettes. Là, t'es en compétition avec elle. Là, tu regardes si le boss, il va pas l'aimer un petit peu plus que toi. Là, tu commences à être inquiète dans ta job. On dit toujours, on a des esprits de rapace. On est des esprits passionnés. On a des esprits passionnels. On n'a pas des esprits créatifs. On a des esprits astralisés. Fait qu'amener ça à l'échelle mondiale, fait que c'est évident, c'est normal qu'on vive sur une bombe. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui critiquent tout le temps les autres, qui focalisent toujours sur le défaut plutôt que de regarder l'intelligence? Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'objectivité, puis des gens qui n'ont pas d'objectivité, c'est des gens qui n'ont pas d'esprit, puis des gens qui n'ont pas d'esprit, c'est des morts vivants. Mais pourtant, ils ont une argumentation à plus finir. Avoir une argumentation à plus finir, ça veut rien dire, c'est de la mécanique, ça. Le computer marche. Pensez-vous pas que parce qu'un homme a d'argumentation à plus finir, parce qu'il a fait des études classiques, qu'il a une grosse, il est verbose, puis il est capable de lire de la poésie, puis il a lu des livres, puis qu'il a une bonne mémoire, puis que pensez-vous qu'il va vous allumer? Il va pas vous allumer, il va vous éteindre tout le temps. Mais pourquoi il fait ça? Si parce que son intellectualisme ou son intellectualité ou sa science nocturne ou son intellect ou son intelligence mécanique, c'est l'insécurité dramatique de son ego. Un homme qui aurait une belle intelligence, ça serait-tu merveilleux? Il y en a, évidemment, heureusement. C'est-tu merveilleux de rencontrer un gars qui a un doctorat, puis qui est capable de parler, puis qui a les mots, puis qui est capable de créer une forme pour son esprit, mais qui a un bel ego, qui a pas d'orgueil dans son mental? C'est extraordinaire? Tu veux pleurer quand tu rencontres des gens de même? En tout cas, moi, je veux pleurer quand je rencontre des gens comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres dits merveilleux. Mais quand tu rencontres des petits crocs de cul, là, tu sais, comme j'en connais, par exemple, j'en ai un dans mon mental, là, qui est, là il veut devenir médecin. Là. Tout ce qu'il veut, c'est devenir médecin. Pourquoi? Parce qu'il a l'orgueil de la famille. Là. Il veut prouver à sa famille qu'il est capable de faire quelque chose. Là. Puis c'est un orgueilleux, là, je le vois. Là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Penses-tu que ce gars-là, mais quand tu vas devenir chirurgien, ça va être un bel être? Penses-tu que ça va être un grand chirurgien? Peut-être qu'il va être bien bon avec le couteau. Mais au niveau de l'esprit, il ne voudra pas de la merde. Fait que si t'es bien bon avec le couteau, puis si t'es bien bon plombier, puis si t'es bien bon secrétaire, puis t'es bien bon avocat, puis t'es bien bon juge, mais t'as pas d'esprit, tu vas pas de la merde. Mais par contre, je parlais à un avocat hier, là, qui commence à comprendre qu'est-ce que c'est être un avocat, puis qu'est-ce que c'est en arriver à comprendre, à intégrer l'esprit dans tout ce processus magnifique qu'est la loi humaine, là, quand c'est bien vécu puis bien véhiculé à travers les avocats ou des juges. Elle commence à prendre des notions, elle commence à comprendre quelque chose, elle commence à voir. Ça va être une avocate merveilleuse dans 10 ans, cette fille-là. Mais ça prend 10 ans. Mais si elle se prend pas pour un autre... L'individu qui se prend pour un autre, c'est-tu parce qu'il cherche à avoir un respect par son talent? Un individu qui se prend pour un autre parce qu'il y a de l'insécurité. Moi, je reviens toujours à l'insécurité. C'est de l'insécurité. Il était mal élevé. Il était mal éduqué. On était très mal éduqué. L'homme est très mal éduqué. On n'est pas éduqué par rapport à soi pour soi. On est éduqué par rapport à la société. Et ensuite, par rapport à soi. Fait que demandez-vous pas pourquoi est-ce que c'est normal que l'homme vienne au monde, puis grandisse, puis développe des complexes d'infériorité. Excepté quelques-uns là, qui ont des complexes de supériorité. Fait que c'est le contraire. Fait que d'un côté, le gars, il a une belle personnalité, puis il a 3 doctorats, mais il pète l'orgueil. Fait que c'est pas vivable du monde de même. Moi, quand je les rencontre, je les écrase, je suis obligé. Pour ça, je les ramasse en petits morceaux, parce qu'ils ont quand même quelque chose. Mais au lieu de les rencontrer, puis rentrer tout de suite avec eux autres, t'es obligé de les casser, là, leur faire réaliser qu'il y a des niveaux d'intelligence qui sont capables d'aller, puis de rentrer dans leur domaine intérieur, puis réellement leur décrire leur petite culotte qui porte en dessous de leur jeans, là. Là, ils disent, ah, comment ça se fait que tu connais la couleur de mes petites culottes? Laisse faire, il y a bien des affaires que l'homme sait que tu ne sais pas encore. C'est au-delà de ton doctorat. Mais c'est fatigant. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rencontre des gens qui ont été abrutis, qui ont souffert. Mais on rencontre plus de petits gens que de grands gens. Il y en a des grands gens, mais il y a plus. Autrement dit, l'homme, la masse de l'homme nouveau sera faite de plus de petits gens que de grands gens. Mais c'est-tu pour un gars comme moi, c'est fatiguant? Parce que les petits gens, c'est bien le fun. Mais quand tu veux construire, quand tu veux faire de l'architecture, quand tu veux faire de la science, quand tu veux amener des notions dans certains domaines, tu peux pas le faire avec des petits gens, ils sont pas équipés pour faire ça. Ça prend des gens qui sont fait l'université, qui ont des formations solides. Puis là, tu peux amener de nouvelles notions au niveau de la science. Puis là, partir de là, faire quelque chose. Mais diriez-vous que les petits gens dont vous parlez ont plus de sécurité que les grands gens qui ont plus de moyens, disons? Les petits gens ont moins d'orgueil. Les grands gens ont plus d'orgueil. Okay, les petits gens ont plus d'insécurité. Les grands gens ont plus d'illusions de sécurité. Mais ils ont de l'insécurité pareil. Ben oui, tout égo a de l'insécurité. Comment que tu pèterais du feu? Ouais, ça semble être plus facile de traverser ou de transmuter ou de changer l'insécurité des petits gens que des grands. Oui, parce que justement, ça fait partie de la programmation, puis ça, c'est une des choses que probablement je déteste le plus de la vie, c'est que au lieu que les forces travaillent à élever la conscience des grands, les forces travaillent à élever la conscience des petits, et la raison, c'est parce qu'il y a plus dans le monde de petits que de grands. Puis les grands qui se font élever en conscience par les forces, quand ça fait partie de leur vie, ils tombent de tellement haut que quand ils ramassent, ils ramassent à la pelle. Vous voulez dire que le choc de l'intégration... Le choc de l'intégration est terrible. C'est pour ça que... Il est plus violent chez les... Il est plus violent parce qu'ils sont plus fossilisés. Ils ont des notions. Ils ont appris des choses. Ils ont plus de mémoire. C'est de la porcelaine. La porcelaine, ça craque bien plus que de la poterie normale. Les petits gens, c'est de la poterie. Tu payes ça, puis oups, c'est malléable. Ces gens-là, un gars, je pense à celui que je pense, là. Pourtant, ces gens-là semblent s'apprécier énormément. Pardon? Ces gens-là, quand ils se mesurent aux autres, ils semblent s'apprécier beaucoup plus. Qui? Les petits gens? Les grands gens. Les grands gens, quand ils se mesurent aux les autres? Grandes jambes. Les grands gens. Les gens qui ont une certaine autorité politique, sociale, économique, ils donnent l'impression, en tout cas aux petits gens, d'avoir beaucoup plus de solidité et de sécurité. Mais oui, mais c'est l'illusion, ça. Tu ne les as pas rencontrés, ce monde-là. Quand tu rencontres ces gens-là, tu t'aperçois que c'est tout du poivre sur la salade. Oui, mais comment vous pouvez mêler l'ensemble, mêler les deux, là? Homme qui soit chinois, arabe, russe, québécois, américain, un homme qui vient en contact avec l'invisible, il s'écrase. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choix! C'est too much! Parce que l'invisible, c'est l'autre dimension, c'est le surplus, c'est l'infinité, c'est ce que l'homme veut savoir, mais a peur de reconnaître. Donc, c'est l'au-delà de sa matérialité. Tu t'écrases. L'homme s'écrase, l'ego s'écrase, et l'homme, au cours de l'évolution, va s'écraser. Je parle de l'homme qui va se conscientiser, va s'écraser, parce que l'évolution de la conscience supplémentaire sur la Terre, c'est un phénomène individuel, ça va se faire entre l'homme et ses propres forces internes, et l'ego va s'écraser. Il n'y a pas un homme qui ne s'écrase pas au niveau de l'ego quand ça rentre, cette énergie-là. Et heureusement que ça part des plans, et que ça part de l'homme lui-même, et que ça ne part pas du monde en dehors de lui. Ça ne peut pas. Ça part de l'homme. Comme Aurobindo disait, la lumière, elle vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Mais quand elle rentre la lumière, il faut que l'homme ou des hommes ou qu'une science ait d'abord été établie sur le plan matériel pour que les gens puissent avoir référence à quelque chose. À ce moment-là, l'homme se trouve moins marginal. Il y a des gens qui me disent « Ah, ce que vous dites, je le savais, je le sais depuis 5 ans. » Je suis content. C'est merveilleux qu'un gars puisse se dire « ça, je le sais depuis 5 ans. » Mais imagine-toi si j'étais tout dans mon illusion égoïque, égocentrique de Bernard de Montréal, le petit truc cul occulte, là, puis je dirais, tu sais rien. Qu'est-ce que tu sais? Il est là le problème. Fait que les gens qui savent quelque chose, les moindres petits gens ou les grands gens qui savent quelque chose dans le monde, lorsqu'ils sont amenés à être en contact avec des gens qui savent des choses, devraient être reçus de façon réellement intelligente, cordial, invitant et être donné finalement, pour la première fois probablement de leur expérience, de savoir que effectivement, il y a des hommes qui sont capables de reconnaître ce que tu es, ce que tu sais. C'est merveilleux pour un être humain qui a été toujours diminué dans sa conscience de se faire dire, toi le petit homme là, the Reich, ce que tu dis, c'est ça. Il y a des gens qui ont peur de faire ce mouvement-là parce qu'ils disent c'est donner du pouvoir à l'autre. Ah, ben là, c'est leur problème. Oui, mais c'est un problème. C'est leur problème. Puis je dis pas que, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. Je dis pas, parce que je sais, je le vis dans ma propre expérience. Si j'ai le malheur de dire à quelqu'un, je suis son chum, il est fini. Parce que là, il va tout astraliser ça. Il y a un petit gars qui est venu chez nous dernièrement. Là. Je sais pas comment est-ce qu'il a trouvé mon adresse. Mais il est venu chez nous un matin. Puis il était chanceux, c'est ma fille qui l'a reçu. Si ça avait été moi qui l'avais reçu, j'aurais donné un choc. un mot de choc, il ne sera jamais revenu chez lui. Parce que c'est un manque d'intelligence, c'est un manque de sensibilité, c'est un manque de respect pour ma vie privée. J'ai besoin d'avoir un petit peu de vie privée. Alors, c'est ma fille qui l'a reçu, puis il y a eu le message. Si ça avait été ma femme, là, il a reçu un message encore plus raide. Parce que ma femme est pire que moi. Mais c'est un manque d'intelligence. Pourquoi? Parce que j'ai dit un jour qu'il était mon chum. C'est pas parce que t'es mon chum qu'il faut que tu viennes manger dans ma soupe à tous les jours. C'est là l'affaire du pouvoir. Mm-hmm. Les gens se donnent du pouvoir. Puis ils se donnent du pouvoir. Donc, ils astralisent leur relation. Puis finalement, ils deviennent plus des chums. Ils sont plus des chums. Tu veux plus rien avoir à faire avec eux autres parce que tu t'aperçois qu'ils n'ont pas été intelligents. Mais quand tu rencontres des gens sur la rue, ou tu rencontres des gens dans un restaurant, ou tu rencontres des gens dans une société qui connaissent, puis qui passent à côté de toi, puis qu'ils vont peut-être te dire bonjour, puis ils continuent leur chemin, ils ne te dérangent pas. Ça, à ce moment-là, tu te lèves, tu vas les chercher, puis tu dis, viens t'asseoir, on prend un petit café. Ça te fait plaisir d'aller les chercher, puis tu dis, viens, on se parle. Ils sont contents. Mais au moins, ils ont respecté ton individualité, ils ont respecté ta vie privée. Mm-hmm. Mais la nature de ce respect-là, elle s'atteint quand ou comment? Qu'est-ce que... La maturité, donc, qu'il faut là, pour arriver à ça, là, c'est, ça s'atteint où? Là? Quand tu te prends plus au sérieux. Juste ah, c'est merveilleux de pas se prendre au sérieux. Si vous saviez que c'est que ça veut dire. C'est toute l'affaire. Parce qu'une personne... Ça a l'air tellement banal, puis ouais. Vous savez, les choses les plus simples sont plus dures à comprendre. Parce que les mêmes personnes dont vous parlez qui se prennent au sérieux, dans une collectivité, vous ne pouvez pas fonctionner. Non, ils vont faire une gaffe. Ils vont astraliser leur énergie. Mais tu veux rien savoir les autres? Mais se prendre au sérieux, ça peut aller jusqu'à penser en termes de hiérarchisation des relations? Ça va loin. Se prendre au sérieux. Se prendre au sérieux, c'est un très, très grand défaut de la conscience humaine. Se prendre au sérieux, c'est ne pas avoir de centre d'énergie. Mais est-ce que les gens se prennent au sérieux, je pense entre autres à une famille, là. Être un père ou une mère par rapport aux enfants, est-ce que se donner un rôle de père ou de mère, c'est se prendre au sérieux ou c'est une réalité? Oh, tu peux donner un rôle de père et de mère, puis te prendre au sérieux et ruiner la vie de tes enfants. Il ne s'agit pas pour un père et une mère de se prendre au sérieux. Il s'agit de travailler créativement avec leurs enfants. Automatiquement, c'est sérieux. Mais c'est sérieux créativement. Il n'y a pas d'attitude. C'est la situation qui est sérieuse. Mais c'est la situation qui est importante, donc qui demande un certain sérieux. Mais si vous prenez au sérieux, puis moi je suis le père, tu vas m'écouter, mon petit tabarnak, à ce moment-là, tu ne peux pas élever un enfant de mère. Puis dans les processus de relations... Excusez si je parle de même, on est au Québec, c'est merveilleux le Québécois. Il n'y a pas un pays au monde où tu peux la passer, cette calice de vibration-là. En France, ça se fait pas. Je l'ai essayé, mais ils ne comprennent pas. C'est un autre langage. Il n'y a pas de puissance. Ce sont des mots. Effectivement, il y a un plaisir. Il y a une sémantique. Il y a une rythmique. Mais calice, tu ne peux rien faire avec ça. Alors, si vous voulez sortir de vos gonds, là, c'est merde qui vient à la rescousse. Tandis qu'ici, tabarnak, move your fucking ass because we're bilingual, you know. We can really move it in French, in English, puis en indien. On a du pouvoir au Québec. C'est fantastique, la province de Québec. Il y a des gens qui m'ont demandé d'aller en France à des conférences. J'irai jamais. No way, qui viennent ici, des Français. Formidable. On vient de saisir ce que c'est. Seulement, il faut que ce soit créatif. Tu ne peux pas passer ta vie à sacrer, parce que tu crées des chocs dans la société. Mais quand c'est créatif, quand tu sacres parce que c'est créatif, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Tu sacres pas parce que tu n'as pas de manière ou tu n'as pas de sensibilité esthétique. Tu sacres parce que tu passes une vibration. Merveilleux, le Québécois. Il ne faut pas toujours rester au niveau du joueur. C'est ça. Mais la capacité que les gens ont de... Là, vous venez vraiment de faire voir les jeux de contraste. Une personne qui aurait une préoccupation égoïque de sa popularité ou quoi que ce soit aurait eu une tension. Mais une personne, comme vous dites, qui est dans son intelligence, semble pas vivre vis-à-vis de la forme une tension. On dirait qu'il semble être en tout cas, c'est ce qui me donne l'impression, qu'il est responsable si strictement de la vibration qu'il passe, ou de l'échange, ou de l'équilibre. J'aimerais que vous me parliez de ça, parce que la maturité semble être liée à ça, à un ton, à une vibration, à une ambiance, plus qu'à l'information qui se passe. Parce que les gens, on parle de respect à certains moments donnés, et puis... J'avais une communication interne dernièrement. Excusez. Je placotais intérieurement. Puis, je recevais de l'information qui me disait, c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu dis. Tu peux parler des planètes, des circonvolantes, des astéroïdes, du feu, de la vie, de la mort, des Elohim, tu peux parler de n'importe quoi. Mais si tu ne parles pas de n'importe quoi de façon créative, tu crées un égrégore. Fait que c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu dis. Parce que lorsque l'homme sera suffisamment conscient, c'est la vibration qui va transmuter sa conscience. C'est pas la science de la forme. C'est pas... C'est plein de livres ésotériques dans le monde. Il y en pleut. Il y en pleut. Mais la vibration, autrement dit, l'énergie de l'esprit qui passe à travers le corps mental, qui est totalement non égoïfiable, qui est totalement non astralisable, c'est ça que l'homme a besoin d'écouter, de percevoir et de recevoir dans sa conscience pour que sa conscience vive à un autre niveau, parce que l'homme lui-même est un être intelligent. L'homme a accès à ça. L'homme a accès à la connaissance créative qui est infinie, qui ultimement est une connaissance infuse. L'homme a accès. C'est pas particulier à un être humain. Ça fait, c'est universel. Par contre, pour que l'homme goûte de cette énergie-là, de cette science-là, il faut qu'il soit libre de la forme. Et il faut qu'il soit très conscient de la vibration dans la forme. Et pour ça, il ne faut pas qu'il se prenne au cycle. OK, quand vous dites, là, ça, moi, pour moi, ça c'est bien important, cet aspect-là. Parce que quand on écoute une personne, on dirait qu'on respecte la personne, non pas sur ce qu'elle nous compte d'elle-même, mais sur ce qu'elle dégage à travers ce qu'elle dit. Puis c'est drôle, on dirait qu'on mesure la maturité d'une personne avec ce fluide-là qu'il y a à travers ce qu'elle dit. Très juste. Bon, mais ça, là, où est-ce que ça se trouve? Je vais vous dire une chose. Je vais continuer à le faire. Réalisez qu'un ego n'est jamais intéressé à savoir ce que vous dites. Attendez une minute, là. Un ego qui parle à un autre ego. Ouais. Un ego n'est pas intéressé à votre salaire. Un ego est intéressé à être écouté. S'il y a une communication entre A et B, que A a quelque chose à dire, la dynamique, la vibration de la communication, elle est sous la responsabilité de B. Si vous avez quelque chose à me dire, si vous me parlez, admettons qu'on est deux égaux inconscients. Ouais, ouais. Vous avez quelque chose à me dire, bon, vous me parlez. Puis que je suis le moindrement intelligent. Disons que je suis un petit peu évolué. Hein? Notre relation, la dynamique de notre conversation est dans mes mains et pas dans vos mains. Fait que si vous avez de la salade, supposons que vous êtes un psychologue ou un philosophe ou un ingénieur ou whatever, vous avez une salade à me conter, puis que moi j'ai la patience de vous écouter, que je suis capable d'absorber votre salade qui n'est pas ajustée, là, puis qu'il y a toutes sortes de courants à se trouver dedans, à ce moment-là, automatiquement, vous allez apprécier ma personne. Automatiquement. Puis après ça, là, je peux arriver avec ma salade, puis là, vous allez écouter ma salade. Est-ce que c'est automatique? C'est automatique. Si, par contre, vous avez des choses à dire dans une conversation, puis que moi, je ne suis pas suffisamment intelligent ou fluide pour aller chercher cette vibration-là en vous, à ce moment-là, ça va devenir un conflit entre nous deux, ça va devenir une lutte. Donc, supposons que vous avez un doctorat en anthropologie, puis moi j'ai un doctorat en biologie, on va s'engueuler toute la nuit, puis on va boire de la bière Molson. Il ne va rien se passer, excepté de l'échange purement mécanique gratuit. On n'aura rien appris un de l'autre, et on n'aura rien appris l'un à travers l'autre. Par contre, si vous êtes un anthropologue, puis je suis un biologiste, je ferme ma gueule de biologiste, puis je vous écoute, vous, avec votre gueule d'anthropologue, puis j'ai suffisamment d'esprit pour absorber votre salade, je vais apprendre quelque chose éventuellement. Parce que, éventuellement, je vais rentrer dans les subtilités de votre mental. Il y a des choses qui vont se dégager. Je vais vous permettre finalement de relaxer en tant qu'anthropologue par rapport à un biologiste. Fait que là, au début, quand vous allez me rencontrer, là, vous allez être sur les petits nerfs de l'anthropologiste qui veut prouver sa science en relation avec le biologiste qui veut aussi prouver sa science. Là, fait qu'il va. Mais avec le temps, là, si réellement là, j'éteins le biologiste, là, c'est avec l'homme là, qui écoute l'anthropologue, mais là, vous allez commencer à relaxer. Puis après 2 heures, 3 heures, 4 heures, là, vous allez commencer à vous laisser aller dans des idées créatrices qui vont vous surprendre. Puis vous allez dire, c'est drôle, j'ai jamais parlé de ça à personne, rien qu'avec toi que je parle de ça. Mm-hmm. C'est drôle, puis c'est pas drôle. C'est parce que je vous ai laissé finalement la chance d'exprimer des niveaux de conscience qu'avec le biologiste avant, vous auriez pas pu exprimer parce qu'on est toujours en état de guerre entre les doctorats mm-hmm. qui sont dans des disciplines opposées. J'ai rencontré un homme, moi, je suis allé à Dalton City il y a quelques mois. J'ai rencontré un Américain, puis un homme d'affaires américain, j'avais des affaires à faire. Puis il me donnait un lift dans son char, on s'en allait à l'hôtel. Puis le bonhomme, il dit à moi, il dit, Bernard, I got something to tell you. I've never told this to anybody else. Il dit, je comprends pas pourquoi est-ce que je te dis ça, mais en tout cas, il faut que je te le dise. Puis juste avant qu'il me le dise, moi j'ai dit ce qu'il voulait me dire, il a tombé sur le cul le bonhomme, on est chum aujourd'hui demain. Autrement dit, le bonhomme a senti une vibration, il a senti un gars qui était capable de recevoir son énergie. Là, j'ai étudié simplement ma faculté naturelle pour réellement cimenter ça vite parce que je ne voulais pas entendre sa salade toute la soirée, là. Mais c'est extraordinaire. J'ai acheté mon matériel, ça a coûté des milliers de dollars, il ne m'a même pas envoyé de facture encore. On n'a pas reçu la facture. Si tu veux qu'on a pas reçu la facture au bureau, il est temps qu'on reçoive, là. On n'a pas reçu la facture. Le bonhomme, il m'a mis une demain. Autrement dit, faut que l'homme apprenne que c'est pas que quand tu parles à un égo, l'égo, il va être entendu. C'est pas ce que tu dis qui compte, c'est qu'il va être entendu. Fait que si tu as quelque chose à me dire en tant qu'égo, puis je ferme ma trappe, puis je te laisse vider ton sac. C'est que ça que tu veux savoir. Mm-hmm. Après ça, ben là, il va se développer une autre dynamique, puis éventuellement, il va avoir une appréciation mutuelle, puis là, tu vas rentrer dans tes secrets d'anthropologiste ou tes idées d'anthropologie, puis moi, je vais rentrer dans mes idées de biologie, puis finalement, on va avoir une conversation créative puis intelligente, puis probablement qu'on va dire des choses au cours des semaines qui vont venir, qui vont dépasser la biologie actuelle puis l'anthropologie actuelle. Pourquoi? Parce qu'on se sera respecté mutuellement dans le fait de savoir un petit peu cochon de part et d'autre. Est-ce que vous êtes en train de dire que le respect est exclusivement fondé sur la capacité d'absorber l'autre? Le respect est exclusivement fondé sur une capacité certaine de l'homme à un niveau ou à un autre de pouvoir aimer. Oui, mais qui veut dire absorber l'autre? Aimer, c'est absorber l'autre. Intégralement. Si t'es capable d'absorber quelqu'un, si t'es capable d'absorber quelque chose, t'aimes. Mais t'aimer, ça fait partie d'aimer. Il y a des gens qui vont passer leur vie à absorber puis jamais pouvoir se manifester. Je ne veux pas dire absorber pour détruire. Je parle pas des gens qui absorbent parce qu'ils ont tellement d'insécurité que s'ils absorbent pas, ils n'auront pas d'amour propre. Je parle d'absorber dans une mesure qui est intelligente. Tu peux pas absorber par amour parce que l'amour que tu as, c'est un amour qui est basé sur une insécurité foncière de ton ego. Faut que ce soit basé sur une sécurité mentale de ta puissance créatrice. Là, tu es capable d'absorber. Moi, je suis capable de rencontrer quelqu'un puis de l'écouter parler pendant 6 heures. Mais est-ce que vous avez une intention en arrière? Je suis toujours stratégique. Donc, on peut pas écouter n'importe qui. Tu peux écouter n'importe qui, mais c'est toujours stratégique. Si tu écoutes n'importe qui parce que tu as une raison d'écouter n'importe qui. Il faut avoir une raison d'écouter. Ben oui, si tu écoutes n'importe qui parce que tu n'as pas de raison, c'est pas intelligent. Au moins, il faut que tu écoutes quelqu'un pour apprendre quelque chose. Pour apprendre quelque chose? Si tu es un anthropologue, je suis un biologiste, puis je t'écoute, il faut que ce soit stratégique. Faut que quelque part tu m'amènes quelque chose, faut que tu m'amènes, ou que moi je t'amène quelque chose, faut qu'il y ait un échange, faut qu'il se passe quelque chose. Faut pas t'écouter que t'écouter. Mm-hmm. Faut bien plus. Sans ça, je pourrais prendre un livre. Donc, la maturité, c'est d'être capable d'absorber, mais c'est aussi être capable de sélectionner. La maturité, ça fait partie de la maturité de sélectionner. Mm-hmm. Si t'en arrives pas, c'est extraordinaire. Dans la maturité, il a la capacité d'aimer, il a la capacité de respect. Il a la capacité d'éliminer à court ou à long terme, les éléments qui ne sont pas créatifs. Sans ça, tu perds de l'énergie. Donc, là, dans la maturité, il y a effectivement une nécessité à court ou à long terme de sélectionner. Il faut que tu sélectionnes. Il faut que tu deviennes sélectif dans la vie. Mais être sélectif dans la vie, ça ne veut pas dire que tu craches tout le monde. Mm-hmm. Moi, il y a des gens que je vais inviter chez nous, puis il y a des gens que je n'inviterai pas chez nous. Mais ça ne veut pas dire que les gens que je n'inviterai pas chez nous, je vais cracher dessus. Mm-hmm. Je ne les invite pas chez nous parce que il ne se passera rien. Ils vont venir chez nous, puis c'est moi qui vais continuer à parler. Je ne pourrai pas éteindre ce fameux personnage de Bernard Montréal. Moi, si j'invite du monde chez nous, ben, parle-moi de ta job, parle-moi de ce que tu fais, puis explique-moi quelque chose, éclaire-moi ce que tu as, fais-moi dire quelque chose. Mm-hmm. Mais si je suis rendu chez nous, puis je fais un party, ou je fais une rencontre, ou j'amène des gens, puis c'est encore Bernard de Montréal, puis Bernard de Montréal, je me repose pas, moi. Mm-hmm. En public ou quand je travaille, d'accord, là, je parle, mais quand je suis en dehors du travail, je veux qu'on me parle. Je veux vivre par rapport à l'homme, je veux, mais il faut que le gars ait quelque chose à me dire. Si le gars est mesmérisé par rapport à ma personne, il n'est pas capable de me dire, ben à ce moment-là, m'attendre 10 ans avant de m'inviter chez nous. Mais y a-t-il vraiment quelque chose, y a-t-il vraiment du monde qui sont capables de vous montrer quelque chose? Il y a du monde qui sont capables d'expliquer leur vie d'une façon suffisamment intelligente pour que ça m'intéresse de comprendre ce qu'ils font, pour les amener plus loin, eux autres, à comprendre encore plus ce qu'ils font. C'est parce que la grande... Je vous donne un exemple, l'avocate que je parlais cet après-midi. Ouais. Bon, là, c'est évident là, que là, on va se voir, puis on va venir chez nous, puis on va parler de quoi? On va parler de droit. On va parler de la psychologie du droit, puis on va parler de la psychologie d'un avocat, puis je vais parler d'elle, puis je vais lui parler de ses faiblesses. Je vais lui montrer ses faiblesses en tant qu'avocate, je vais lui montrer ses forces en tant qu'avocate, pour qu'elle devienne un jour une grande avocate. Mais là, ça fait partie du processus créatif de ma conscience. Pour qu'elle soit votre avocate. Pas nécessairement. Pour qu'elle soit une grande avocate. Pour qu'elle soit une grande avocate. Vous faites ça gratuitement. Là. Ça fait partie d'une créativité. C'est un ami de quelqu'un qui est proche de ma personne. Donc, c'est le fun de parler de droit ou de parler de la psychologie de l'avocate ou de parler de la psychologie du droit ou de la jurisprudence. C'est intéressant. Fait que, elle va apprendre quelque chose, puis moi, je vais parler quelque chose. OK. Là, dans ce cas-là, la seule stratégie, c'est d'occuper votre temps. C'est d'occuper mon temps. OK. Donc, s'il y avait des gens qui étaient capables d'occuper votre temps créativement, j'y rentrerais dans ma vie. C'est ça. Mais je reste toujours avec la question, comment une personne qui a toutes les réponses à toutes les questions, peut trouver intéressant les réponses d'un autre? Ah, ça c'est intéressant. Ben, ça c'est une question, c'est pas une réponse. OK. OK, je vais vous dire une chose. D'abord, quand vous dites, là, une personne qui c'est évident que vibratoirement, tu as accès à toutes les réponses, puis tu parles de... OK. Ça fait partie du phénomène de la fusion. Bon, OK. Mais c'est pas même que ça se vit, la vie. La vie, un homme conscient n'est pas intéressé à avoir toutes les réponses à toutes les questions. Avoir les réponses à des questions, ça fait partie d'un travail créatif qui est très, très... qui est un corridor. Moi, j'ai un corridor dans ma vie mentale. Il y a des choses, dans le public ou en privé ou dans des séminaires, je vais parler de certaines choses qui font partie de mon travail au niveau créatif. OK. Mais à part de ça, il y a des choses dans la vie que je préfère entendre à partir d'autres personnes. Parce que c'est très fatigant de toujours parler, de toujours répondre à des questions. Fait que quand t'es créatif comme ça, puis c'est ouvert, t'es ouvert à ta propre infinité, t'aimes ça vivre un petit peu puis écouter de l'infinité des autres? J'en ai des conversations avec vous en privé où je vous dis, mais parle-moi donc de ça. Quand vous me parlez, vous êtes un astrologue, vous me parlez d'astrologie, j'aime ça. Vous dites, bon, vous demandez des questions sur l'astrologie. C'est évident que si je vous parle d'astrologie, mais je ne pourrais pas parler d'astrologie au niveau où vous en parlez, parce que ça, c'est pour moi, ça fait partie de l'astrologie évolutive. Fait que je vais vous parler de l'astrologie au niveau cosmique. Automatiquement, à cause de votre sensibilité, mais vous allez pouvoir connecter, puis on va travailler là-dedans. Fait que je vais amener de l'eau à votre moulin. Fait que, mais votre science astrologique, elle va m'intéresser. Mm-hmm. Si vous me dites, bon, ben, Jupiter rentre dans le lion, ben vite, c'est le cas, là. Jupiter rentre dans le lion. Ben, moi, quand je regarde ça, Jupiter rentre dans le lion, si je vous parlerai de ça, ben, je vous amènerai d'autres notions qui seraient intéressantes. Fait que, ça me permet, moi, de vibrer, puis ça me permet à vous de vibrer, puis ça me permet à moi d'avoir contact avec votre personne au niveau d'astrologie. Mm-hmm. Sans ça, ben, je ne m'intéresserai pas à l'astrologie. Moi, je m'intéresse à l'astrologie qu'à travers votre personne, comme je vais m'intéresser à la biologie qu'à travers un biologiste que je connais, ou je vais m'intéresser à la physique à travers un physiciste que je connais. Je ne m'intéresse pas à la science ou aux archives de la science tout seul. Quand je suis seul chez nous, je suis totalement plate. Je passe mon temps dans le jardin, puis soit que j'écris un livre, mais j'ai une vie totalement plate. Plate, pas plate, plate, mais plate, hein, plate. Dans le sens que si tu viens chez nous, je suis plate. Je suis pas intéressé de parler, de répondre à des questions. Même ma fille, elle va le dire des fois, elle va dire, non, plate. Non, je suis plate, je suis dans le jardin, puis je joue avec mon chat. Puis je me repose un peu, je peux pas toujours être là-dedans. Par contre, quand je rencontre des gens dans la vie qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à amener ou qui ont une sphère d'intérêt, à ce moment-là, je vais parler avec eux autres, puis je vais m'entretenir avec eux autres, puis on va développer ça, puis ça devient intéressant. C'est aussi intéressant pour moi de connaître les aspects cosmiques du calendrier astrologique que pour vous de l'apprendre. On apprend tous les deux, parce que moi, quand je parle, j'apprends. Le monde, on a l'impression que parce que j'ai accès à toutes les réponses, que je m'intéresse à tout. Je m'intéresse à rien. Je suis pas intéressé à rien. C'est une fusion. Fait que j'ai besoin de vous pour goûter de l'astrologie. J'ai besoin du psychologue ou de l'anthropologue ou du théologien pour goûter d'une science réellement occulte de Dieu et des Alephs. Penses-tu que je vais parler des Alephs chez nous tout seul? Ah, moi, j'écris un livre. Quand j'écris un livre, là, je me laisse aller un petit peu. Mais quand je peux rencontrer un cardinal, c'est merveilleux. Parler avec un cardinal, parler avec un jésuite, c'est extraordinaire. Mais c'est évident que si je parle avec un jésuite, il faut que je fasse attention, il faut que je sois délicat, je prends un certain temps pour ne pas être frustré. Mais au cours des années, mais il devient mon chum. Moi, j'ai parlé avec un grand prêtre à Montréal, du Théâtre de Chardin, dans le temps, c'était en mode, là, il y a 15 ans, le Théâtre de Chardin. Grand bonhomme, ça, ce Théâtre de Chardin-là. Ben, tu peux pas arriver et dire au gars, ben, écoute, moi, je m'entends parler de Théâtre de Chardin, c'est toi, là. Tu peux pas arriver de même, il faut que tu respectes. Ils ont fait des grandes études, ces gens-là. Mais quand tu as respecté leurs études, tu as respecté leurs compétences psychologiques, leurs compétences théologiques, puis là, tu le ramènes avec des choses nouvelles, créatives, puis que là, il n'y a plus de contestation, puis qu'il n'y a plus de lutte d'égo, parce que tu as pris 2, 3, 4, 5 ans avant de l'amadouer. Puis là, c'est intéressant. Fait que ça te fait des amis dans différentes sphères humaines, puis ce sont ces gens-là que j'aime rencontrer. Tu as les femmes. Je retiens une particularité dans tout ce que vous avez dit. Il semblerait que quand une personne est consciente, elle est intéressée à avoir des réponses ou à écouter parler quelqu'un qui vit ce qu'il parle. Vous semblez, là, ouais, dans tout cas, les deux exemples que vous donnez, vous ne voulez pas entendre parler de quelqu'un qui a une connaissance de quelque chose. Mais Vous avez une connaissance de quelque chose, il faut que vous viviez ce que vous parlez. Il faut qu'il y ait toujours derrière la forme de l'esprit. Un homme comme moi est capable de percevoir ça. Un homme qui est conscient est capable de percevoir s'il y a de l'esprit. Une des raisons pour lesquelles je vous ai demandé de m'interviewer en public, c'est seulement parce que je sens l'esprit derrière la forme. C'est pas à cause de votre compétence astrologique. Je pourrais la mettre à terre, votre compétence astrologique. Mais c'est à cause de l'esprit derrière la forme. Et c'est votre esprit que je respecte. Et votre esprit étant ce qu'il est, et la forme étant ce qu'elle est, on peut ensemble la faire vibrer, puis on pourra faire des conférences sur l'astrologie qui pourraient réellement créer des grands bouleversements sur cette science merveilleuse-là. Par contre, ça prend des hommes qui ont de l'esprit derrière la forme. Donc, que ce soit un plombier qui a de l'esprit derrière la forme, c'est merveilleux, parce que là, il se passe quelque chose. Un plombier peut apprendre quelque chose. Un petit fleuriste peut apprendre quelque chose. Un homme, quelle que soit sa sphère d'activité, s'il y a de l'esprit derrière la forme, peut toujours t'apprendre quelque chose. Et c'est probablement là une de mes plus grandes richesses. La capacité de déceler, dans le moindre des hommes, l'esprit derrière la forme, s'il y en a. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis. C'est pour ça que j'ai pas d'ennemis. C'est pour ça que j'aime l'homme. Et c'est pour ça que j'aime toutes les sciences de l'homme, que ce soit des grandes sciences ou que ce soit des petites sciences, parce que c'est l'esprit derrière la forme. Un homme conscient n'est pas intéressé à la connaissance. Un homme en fusion n'est pas intéressé à la connaissance. C'est comme de l'eau, il y a rien qu'à parler, ça sort. Fait que t'es pas intéressé à la connaissance, mais t'es intéressé à l'esprit de l'homme, qui va amener à son niveau une science que toi, tu peux faire vibrer encore plus fortement parce que tu as accès à un autre rayon d'énergie. Là, quand vous dites d'esprit en arrière de la forme, est-ce que vous dites, là j'essaie d'interpréter, là, est-ce que vous dites, change les mots, est-ce que vous parlez de motivation derrière ses intérêts ou devant ce qui l'intéresse? Quand j'essaie de prendre des thèmes psychologiques, là, Si vous sentez dans l'être une motivation dans les intérêts qu'il a, vous êtes intéressé à cet esprit. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Bon, l'esprit derrière la forme, ça veut dire que je suis capable de sentir que la personne est intelligente. À travers ce qu'elle fait? C'est parce que j'essaie de mettre ça dans un cadre. Que, autrement dit, je peux rencontrer une personne, un doctorat qui est totalement plate. Oui. Je peux rencontrer un type qui a des études universitaires qui est totalement fossilisé dans sa science. Okay, donc, il n'y a pas d'esprit. Bon, sa science, c'est la forme. Sa science, c'est la forme, autrement okay. dit. Puis, tu peux rencontrer un médecin qui est borné, là, qui est borré. Okay. Tu peux rencontrer, je parle des gens qui ont certaines formes. Mais lui, il y a de l'ego en arrière de la forme. Il est borré. C'est totalement égoïste. C'est totalement de la mémoire. Il n'y a pas d'esprit. Okay. C'est un bon médecin, il va te couper, tout correct. Quoi. Ou c'est un bon psychologue, ou c'est un bon psychiatre. Mais il n'y a pas d'esprit. OK. Puis de l'esprit. Par contre, tu peux rencontrer un médecin qui a de l'esprit, ou un psychologue qui a de l'esprit, ou un biologiste qui a de l'esprit. Donc, c'est l'esprit derrière la forme qui va donner à sa science sa valeur. S'il n'y a pas d'esprit derrière la forme, sa science, elle va être simplement mécanique, puis avec les années, elle va s'éteindre, elle va s'éteindre, elle va s'éteindre, elle va s'éteindre. Mais s'il y a de l'esprit derrière la forme, sa science, même si elle est mémorielle, avec les années, elle va se modifier, elle va s'animer, elle va s'humaniser. Bon, mais quand vous dites de l'esprit, là, par rapport à un médecin, est-ce que vous parlez de sa motivation dans le médecin? Est-ce que vous parlez de sa mobilité, de sa flexibilité à regarder d'autres choses? Est-ce que c'est de ça que vous parlez? Oui. De l'esprit, c'est 360 degrés. Je vous donne un exemple ridicule, là. Supposons que tu rencontres un médecin, puis tu dis, qu'est-ce que c'est que vous pensez, vous, de la médecine homéopathique? Puis il dit, moi, je suis contre ça. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de flexibilité. Il n'y a pas de flexibilité. S'il dit, oui, c'est intéressant, j'ai pas étudié ça, j'ai des collègues qui s'intéressent à ça, moi, je me spécialise plutôt dans la médecine classique, conventionnelle. Tu respectes? OK. Mais si il te donne un nom, c'est le nom que j'ai peur. OK. Quand un homme te met un nom, qui t'apostrophe un nom dans le front, là, tu sais, parce qu'il y a un doctorat, parce qu'il y a une compétence, puis qui te pète un nom dans le front comme tu pètes une marque, là, de feu sur la fesse d'un bœuf. Ouais. Lui, il est fini avec moi. OK, je comprends. Avec moi, en tout cas. Moi, il est fini. Donc, ça veut dire que même s'il est capable de vivre sa parole, c'est pas encore assez. Parce que tout à l'heure, je disais, vous êtes intéressé aux réponses qu'une personne peut vous apporter. S'il vit dans le concret, dans le pratique, ses réponses ou son information. Mais pour vous, c'est pas assez. Il faut que ça aille plus loin que ça. Qu'il y a de l'esprit. Oui, l'esprit. Là, je le comprends mieux. De l'esprit, c'est de l'intelligence non formalisée. De l'intellect, c'est de l'intelligence formalisée. Il y a deux niveaux dans l'homme. D'ailleurs, les sciences... Les scientifiques le savent, on sait qu'il y a le côté raison, puis il y a le côté intuitif. Ouais. Donc, si un homme est basé dans sa raison, puis qu'il y a les deux questions, qu'est-ce que tu veux faire avec un gars de main? Au poubelle. T'es pas intéressé, en tout cas, moi, je suis pas intéressé. Par contre, s'il y a de l'intuition, on ne demande pas que l'homme ait une conscience ou un esprit qui passe à travers, puis qui éclabousse tout le rationnel puis le suprarationnel, mais on demande qu'un homme ait de l'intuition, qui est ce que vous appelez, vous autres, de l'instinct, qui a un petit peu de flexibilité dans son mental, à ce moment-là, c'est merveilleux. Là, tu peux parler, tu peux étendre, tu peux échanger. Mais un homme, dans quelques sciences ou dans quelques sphères d'expérience, qui n'a pas cette flexibilité, qui n'a pas cet esprit, pour moi, il est mort. Il est mort. D'ailleurs, il va mourir à 45 ans, 50 ans, 60 ans. Il va être totalement mort. Les artères psychiques vont être morts. Il va mourir. C'est ces gens-là qui deviennent séniles, là, toutes croches. Ils perdent leur mémoire. Ils viennent des machines biologiques totalement fuckées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'esprit. Par contre, tu regardes des gens qui ont d'esprit. Qui c'est qui vient de mourir, là? La dame qui vient de mourir hier, là, qui était en charge.